Des succès sont enregistrés sans cesse dans le rétablissement des régions sinistrées. Les militaires de l'armée populaire de Corée ont achevé en une quarantaine de jours la construction des habitations de 1803 foyers à la commune d'Obon, au district de Yuson et à la commune de Inge de la ville de Faelyong, et celle des maisons de 504 foyers au chef-lieu et à la commune de Namsa de l'arrondissement de Yonsa. À l'arrondissement de Musan, les militaires ont terminé la construction des habitations de 1486 foyers, dont 50 immeubles à 4 étages et 169 maisons sans étage. Les habitations de plus de 500 foyers ont été construites à l'arrondissement de Gyeongun.